je le jure. Au nom de mon père, au nom de ma mère, je le jure. Sur ce qu'au monde j'ai de plus cher, MR. MR. Un jour, les yeux tombés dans ta main, sans mander, sans frapper, mais vous rentrez dans la vie, moi. Des petits moments là, devant Dieu, devant les hommes, m'en fais serment, aimer comme ça. Mais où, qu'il en m'a déjà brillé, m'en ça vous passer les enfants encore, il commençait, chérie. M'en pédi, oui, m'en c'était, pas ce désir, pas qu'à m'en dire. C'est bon Dieu qui voyait pour moi. Amen. Amen. Amen. Comme on ne peut pas aimer. Amen pour vous, amen pour moi. Amen folie, amen passion. Et même jusqu'à la déraison. Amen comme si c'est première fois. Amen d'amour, tombé l'état. À force, amen, moi, perdre la tête. Et puis tous les jours c'est la fête. Je suis né pour t'aimer. Qu'on joue les autres qu'à voler, passer sa bandielé. Je suis né, né pour t'aimer. Sur ma vie, sur ta vie, ça m'a tué, ça écrit. Passe où j'ai passé, c'est vrai. Et qu'il en m'ou bout, c'est pas cher. Faut qu'on y prend confiance pour nous cette dernière chance. Doudou, faut pas douter. Jamais, jamais douter. Je suis né pour t'aimer. C'est pas parole qui t'a menti. Faut pas comprendre ces comédies. Je suis né, né pour t'aimer. Qu'on joue les oeufs à voler, passer sa bandilée. Si faut m'arrêter le temps, couvrir chimer en l'eau diamant. Pour faire la pluie, tout le soleil, qu'on magicien manque feuille. Faut affronter Lucifer, bâti cathédrale en enfer. Et si pour vous faut prendre la mort, alors nous tout le monde est d'accord. Je suis né pour t'aimer. Faut pas ou quoi, c'est pour des jours.